Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour terminer la semaine en beauté, c'est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En d'autres termes, nous partons chez vous. C'est ça, et exactement. Oui, je sens que la partie patrimoine consacrée aujourd'hui à Clermont-Ferrand va vous mettre à contribution. Avec Anissa. Grand plaisir. Pour le moment, nous faisons un saut de plus de 2000 ans en arrière puisque nous allons assister à la première défaite de César contre des Gaulois. Si vos souvenirs scolaires sont bons, vous aurez compris que nous allons parler de la bataille de Gergovie. Et pour évoquer Gergovie, vous avez convié un professeur émérite de langue et littérature latine à l'université de Nantes. Oui, Jean-Yves Boriot est en effet avec nous. Il a supervisé le dossier spécial Jules César, la face obscure, paru dans le dernier numéro d'Historia. C'est le Historia daté de janvier 2018, celui qui se trouve en kiosque actuellement. Le plateau de Gergovie, tout près de Clermont-Ferrand, en Auvergne, plateau basaltique, ai-je besoin de le préciser, qui fait 70 hectares à une altitude de 744 mètres. Nous sommes en 52 avant notre ère. Le site est bien défendu, les pentes abruptes sont surmontées de remparts. Gergovie, c'est, si j'ose dire, la capitale, c'est le refuge, c'est l'oppidum des Arvernes, un des peuples gaulois parmi la bonne cinquantaine, peut-être soixantaine de peuples que compte la Gaule à l'époque. En mai, début juin de cette année 52 avant Jésus-Christ, des troupes arrivent depuis le nord en suivant le cours de l'Allier sur la rive droite. Elles sont commandées par Jules César. Jules César qui vient de mener en Gaule une série de campagnes extrêmement sanglantes. Hein. 6 ans de guerre des Gaules. César pensait être débarrassé des Gaulois. Il pensait pouvoir tranquillement préparer les élections consulaires à Rome. Et voilà que, de nouveau, des révoltes l'ont ramené dans le cœur de la Gaule. Expédition punitive, on peut le dire, avec Labienus, qui lui, de son côté, est allé mater les Sénons du côté de Lutèce. Bref, César arrive au pied de l'oppidum et c'est Suétone qui le décrit. Notre César, la taille haute, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs. Oh, ces yeux noirs, il suffit de regarder un buste pourtant aveugle aujourd'hui de César pour les imaginer. Il n'y a pas besoin d'un gros effort d'imagination. Dans la guerre des Gaules, il est écrit que les Gaulois sont déjà installés sur les flancs d'une montagne fort haute et d'accès partout difficile, c'est la traduction de Constance, ainsi que sur une chaîne de collines, l'ensemble des soldats gaulois offrant sur ces sommets un spectacle terrifiant. À leur tête, celui que l'on présente en grand homme massif aux cheveux longs et bouclés, en fait on n'en sait rien, c'est le fameux Vercingétorix que César nous a décrit comme adolescens, c'est-à-dire qu'il avait en gros moins de 30 ans, c'est la seule certitude sur le sujet. L'affrontement entre les deux hommes, ou plutôt entre les deux groupes d'hommes, car il faut imaginer de part et d'autre les conseillers qui les entourent, cet affrontement est imminent. Jules César, je vous le disais, mène en Gaule cette guerre depuis 6 ans. Dans son Histoire de Rome, Jean-Yves Boriot nous dit « César, qui manquait cruellement d'argent, se fit élire consul en 60 et confier l'année suivante le gouvernement des Gaules cisalpines et transalpines ». La guerre des Gaules commença par le massacre des Helvètes qui voulaient émigrer avec chariots, provisions, femmes et enfants jusqu'aux rives de l'océan, chez leurs amis Santons sur le territoire de l'actuel Saintonge. César en tua sans doute 80 000 au prétexte que sur leur passage se trouvait le territoire de ses amis à lui, les Éduins. Grand et vaste sujet dans lequel je n'entrerai pas maintenant. Les survivants durent s'en retourner dans les villages qu'ils avaient incendiés en partant. La première campagne de 58 à 56 le mène jusqu'en Gaule, Belgique et jusqu'en Armorique. À l'occasion de la deuxième, il franchit le Rhin et la Manche. Au moment de son arrivée à Gergovie, ça ne fait que quelques mois que Jules César lutte contre ce nouveau chef, Vercingétorix, le premier à réussir l'union d'une grande partie des peuples gaulois. On commence même à envisager une forme de stratégie à l'échelle de la Gaule, vous imaginez ça. Vercingétorix est issu de l'une des plus nobles familles arvernes et dans cette lutte, il a un avantage. Il connaît les Romains, lui, il connaît leur tactique, il connaît leur procédé de combat. Après tout, César nous dit qu'il a été ami de Rome, il a été sans doute élevé à Rome. Je cite Marcel Brion. Ça fait toujours du bien de citer Marcel Brion. Vercingétorix avait appris son métier d'homme de guerre aux côtés de César. Il connaissait donc les manœuvres, les feintes, les ruses de l'ennemi qu'il allait combattre. Il possédait les qualités natives du Gaulois, le courage, l'audace, la promptitude de décision, l'amour de son pays, l'héroïsme aveugle. On dirait qu'on parle des Français, dites donc. Son intelligence était grande, aiguë, pratique, objective. Il savait agir vite et à propos. Bref, un adversaire à la taille de César. Vercingétorix recrute, galvanise ses troupes, auxquelles il impose une discipline à la romaine. Il se voit confier donc le commandement de la rébellion. Tout commence lorsque, profitant de l'absence de César, César se trouve à l'époque à Ravenne, hein, il est dans la province romaine cisalpine, les Carnutes vont massacrer les commerçants romains de Cénabum, c'est-à-dire d'Orléans, si vous voulez. On est là à l'entrée, à la toute fin de l'année 53, au tout début de l'année 52. Vercingétorix va partager en trois armées les troupes qu'il a à sa disposition. Il les place dans les trois points vitaux de cette nouvelle Gaule presque unifiée, n'allons peut-être pas trop vite en besogne, la Narbonnaise, Sens et le pays des Bituriges. César revient donc, il est bien obligé, il n'a pas le choix, à la fin de janvier 52. Il repasse les Alpes en plein hiver, raconte Gustave Bloch, ramasse en courant ses dépôts, ses recrues, renforce en toute hâte les garnisons de la province, franchit les Cévennes par des chemins affreux, obstrués de neiges et de glaces, débouche par la vallée de l'Allier et tombe comme la foudre au milieu de l'Auvergne. Là, je vois tout de suite la petite oreille d'Anissa qui se dresse assez vite. Et malgré la politique de la terre brûlée qu'a ordonné Vercingétorix pour réduire les Romains à la famine, la situation est reprise en main par César, il faut le dire. Et après 25 jours de siège, Bourges, Avaricum, devrais-je dire, la ville la plus riche de toute la Gaule, finit par se rendre. Et c'est à ce moment-là que César, avec ses 6 meilleures légions, décide d'aller frapper la tête de la rébellion, le fief de Vercingétorix, dans ce pays arverne, dans sa capitale de Gergovie, dont il a fait un abcès de fixation en y laissant au passage son légat Brutus, le fameux Brutus qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'histoire de César. Vercingétorix fait détruire tous les ponts pour empêcher les légions romaines de traverser l'Allier, et c'est grâce à une légion dissimulée en arrière qu'un pont a pu être rétabli et que les troupes de César ont pu franchir la rivière. Vercingétorix refuse un combat en plaine, qui serait évidemment tellement favorable à la célèbre tactique des légions romaines. Lui presse la marche vers Gergovie, César lui emboîte le pas bien entendu. Il comprend qu'il est trop éloigné de l'oppidum. Il remarque une colline au sud-ouest du plateau, en face de la ville, nous dit César lui-même dans ses commentaires de la guerre des Gaules. Au pied même de la montagne était une éminence escarpée de toutes parts et bien fortifiée. En l'occupant, nous privions probablement l'ennemi d'une grande partie de ses eaux et de la facilité de fourrager, mais elle avait une garnison, à la vérité, un peu faible. Une nuit, cette colline est donc prise, et depuis cette position avancée, César découvre le plateau de Gergovie, la ville gauloise. Il installe donc deux légions chargées de construire un petit camp relié à son grand camp par un double fossé de 12 pieds de large. Et bientôt, lui-même, César, qui se croyait en position dominante, va connaître sa première désillusion. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous faisons un véritable bond dans l'histoire cet après-midi sur Europe 1 pour finir la semaine. Franck, vous nous racontez la bataille de Gergovie. Nous sommes en moins 52 avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre des Gaules. La bataille de Gergovie a également été l'objet d'une controverse. Eh oui. Une controverse de localisation. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, on m'attend au tournant sur alors, les controverses. Alors, c'est pas Alésia, là. C'est Gergovie. Bon, disons que la ville de Gergovie a été abandonnée de ses habitants vers le 4e siècle après Jésus-Christ. À la Renaissance, un certain Gabriel Simeoni, qui était un humaniste florentin, est venu à Clermont et il a cherché les traces de César en Auvergne. Il a identifié le site de Gergovie sur le versant est du plateau. Et voilà notre Napoléon III, ça y est, au 19e siècle, Napoléon III, auteur de sa célèbre histoire de Jules César, qui fait effectuer à son tour des fouilles. C'est son fameux aide de camp Stoffel hein, qui s'occupe des fameuses foules. Et après la découverte d'un certain nombre de vestiges, notamment le double fossé qui sépare le grand et le petit camp, dont je vous parlais tout à l'heure, le site est localisé sur le plateau de Merdogne, à 7 km. Donc on est au sud de Clermont-Ferrand. Sauf que dans les années 30, ces découvertes vont être contestées. De nouvelles fouilles sont réalisées, menées cette fois par des étudiants des facs de Strasbourg et de Toulouse. Et après 10 années de recherche, leur professeur conclut qu'il n'y a pas d'oppidum gaulois sur le fameux plateau de Merdogne. À la même période, certains archéologues situent Gergovie sur le plateau des Côtes, au nord de Clermont-Ferrand, à la suite de la découverte d'un réseau de remparts gaulois. Cette localisation est attestée par des découvertes d'un archéologue qui s'appelle Paul Échard. Dans les années 50, il va découvrir là l'oppidum et le camp de César. Alors, revenons, et il y aurait d'autres choses à dire encore, mais je ne voudrais pas me coller une autre polémique sur le dos, si vous voulez. César vient donc de s'emparer d'une colline stratégique pour la suite des opérations. Il reçoit une très mauvaise nouvelle. Les Éduins, ces Gaulois de Bourgogne qui sont devenus ses principaux alliés et qui lui constituent l'essentiel de sa cavalerie, devaient lui envoyer 10 000 fantassins, sauf qu'ils vont faire défection, notamment à l'instigation d'un de leurs chefs qui s'appelle Itavicos, qui est partisan, lui, de Vercingétorix. Et ça, c'est une menace très grave, puisque les 10 000 cavaliers Éduins qui devait servir César, pourrait maintenant le prendre à revers. Il prend immédiatement la tête de 4 légions en direction du nord pour rejoindre les Éduins, les convaincre de demeurer fidèles. César ne laisse que 2 légions face à Gergovie et ces légions sont dirigées par un légat qui s'appelle Caius Fabius. César parvient à rallier une grande partie des troupes éduennes pour le moment. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je cite de nouveau la guerre de Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on cite? C'est le texte par essence. Après avoir donné 3 heures de la nuit à l'armée pour se reposer, c'est César, il parle de lui à troisième personne, vous savez. Il reprit la route de Gergovie. Presque à moitié chemin, des cavaliers expédiés par Fabius lui apprirent quel danger avait couru le camp. Il avait été attaqué par de très grandes forces. Des ennemis frais remplaçaient sans cesse ceux qui étaient là et fatigués par leurs efforts continuels, les légionnaires forcés à cause de la grande étendue du camp de ne pas quitter le rempart. Une grêle de flèches et de traits de toute espèce avait blessé beaucoup de monde. Les machines avaient été fort utiles pour la défense. Après la retraite des assaillants, Fabius, ne conservant que 2 portes, avait fait boucher les autres et ajouter des parapets au rempart. Il s'attendait pour le lendemain à une attaque pareille. Instruit de ces faits et secondé par le zèle extrême des soldats, César arrive au camp avant le lever du soleil. Mais alors que César craint une nouvelle trahison des Éduins, il a une ruse. Il feint de vouloir prendre une colline située sur le versant opposé du petit camp, colline auparavant envahie de Gaulois et qui vient d'être dégarnie de ses troupes. Une partie de cette colline, qui est boisée, qui est étroite, conduit à l'autre partie de la ville. Et pour ça, César va envoyer en pleine nuit, en arrière de la colline, des troupes, des légionnaires déguisés en cavaliers. César détache une légion vers la même colline. Elle vient s'établir dans un fond où des bois la cachent au regard. Toutes les troupes gauloises vont passer de ce côté et pendant ce temps, jugeant que l'adversaire a suffisamment dégarni ses défenses, eh bien César lui fait monter ses troupes depuis le grand camp vers le petit camp. Je cite de nouveau la guerre des Gaules. César fait couvrir les insignes, cacher les enseignes et défiler les soldats du grand camp dans le petit par peloton pour qu'on ne les remarque pas de la ville. Il donne des instructions aux lieutenants qui commandent chaque légion et les avertit surtout de contenir les soldats que l'ardeur de combattre et l'espoir du butin pourraient emporter trop loin. Il leur montre le désavantage que donne l'escarpement du terrain. La célérité seule peut le compenser. Il s'agit d'une surprise et non d'un combat. Ces mesures prises, il donne le signal et fait en même temps monter les Éduins sur la droite par un autre chemin. César et lui est à la tête de la 10e légion. La progression, malgré un mur de 6 pieds de haut quand même et une pente qui est quand même rude dans ce coin-là, la progression est d'abord rapide. Certains légionnaires arrivent jusqu'au sommet du rempart, mais bientôt, ils sont contenus par des troupes gauloises qui vont se montrer de plus en plus nombreuses, qui convergent vers le lieu de la bataille et qui commencent à jeter des pierres. La topographie rend l'entreprise compliquée, les pertes humaines vont être élevées et on voit César, et tout arrive dans la vie, tout arrive dans une vie, même dans celle de César, on voit César hésiter. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille de Gergovie entre les troupes de Vercingétorix et celles de Jules César. Et pour une fois, Jules César est dominé, il hésite, il ne sait pas quoi faire. Oui, et finalement, il choisit la retraite. Mais à cause du relief, certains de ses hommes n'entendent pas ses ordres. Et eux continuent à se battre. Et pendant ce temps, les troupes de Vercingétorix, qui est parti défendre le camp gaulois attaqué, ces troupes reviennent vers Gergovie au pas de course vers le lieu de l'action, nous dit la guerre des Gaules, précédé de la cavalerie. À ce moment-là, ils vont réussir quand même à grossir leur rang au pied du rempart et à repousser les Romains. Des centurions sont précipités dans le vide, les combats sont acharnés, c'est du combat au corps à corps. Allez, de nouveau César, Ceux des Gaulois qui s'étaient portés de l'autre côté de la ville pour la fortifier, au premier cri qu'ils entendent et pressés par les nombreux avis qu'on leur donne de l'entrée des Romains dans la ville, détachent en avant leur cavalerie et la suivent en foule. Chacun, à mesure qu'il arrive, se range sous les murs et augmente le nombre des combattants. Leur force s'étant ainsi grossie, les femmes qui un instant auparavant nous tendaient les mains du haut des remparts s'offrent aux barbares, échevelés suivant leur usage et les implorent en leur montrant leurs enfants. Les Romains avaient le désavantage du lieu et du nombre. Fatigués de leur course et de la durée du combat, ils ne se soutenaient plus qu'avec peine contre des troupes fraîches et sans blessure. Vercingétorix lance une charge de cavalerie qui disloque les légions romaines, obligées de se replier vers la plaine, où elles vont se retrouver dans la plaine, décidément face de nouveau à des Gaulois. César et la 10e Légion restaient en arrière sur un point où la pente était un peu moins forte, nous dit-il, avec les cohortes de Sextius en charge de la garde du petit camp. César arrive donc pour éviter un massacre dans les rangs romains, mais la retraite ordonnée par César va tourner à la catastrophe. Les Romains prennent leurs alliés Édouin pour des Gaulois. L'armée romaine ne rétablit sa position que lorsque les soldats qui étaient parvenus jusqu'au rempart et qui avaient pu réchapper à la charge et à la mêlée, lorsque ces soldats font la jonction avec la 10e Légion et avec des troupes de la 13e. Les Romains, dans cette affaire, auront perdu quelque 700 hommes. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est tellement terrible? Ce qui est terrible, c'est que c'est une défaite pour César. Ça, c'est symbolique. Dans la vie des 12 Césars, Suétone nous dit, une légion fut mise en déroute, une seule. Mais les chiffres sont probablement faux. César veut peut-être un peu limiter l'ampleur du désastre qui l'a poussé à fuir le territoire arverne pour aller garder la confiance du Sénat. N'oublions pas à qui s'adressent les commentaires. César et ses armées quittent le pays arverne et repartent vers le nord. Ils vont retraverser l'Allier. La suite, j'allais dire la suite, vous la connaissez. La suite, on va vous la raconter en tout cas. Bonjour Jean-Yves Borio. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Nous avons à très grands traits revécu le désastre pour César. Est-ce que c'est un désastre si grave que ça, somme toute ? Ma foi, si on analyse la suite, les suites évidemment de la bataille, on peut répondre que non, puisqu'il a bien rattrapé l'affaire quelque temps plus tard, et tout va se terminer très rapidement avec la bataille d'Alésia que nous connaissons tous, bien sûr. Alors, néanmoins, César vient de subir une première défaite, donc ça va se savoir, ça va donner du moral aux différentes tribus gauloises qui, bientôt réunies à Bibracte, vont faire corps pour un temps autour de Vercingétorix. Et puis surtout, peut-être, la première des conséquences pour César et celle qui doit le rendre malade, c'est la défection des Édouins. Effectivement. Parce que pendant toutes ces années de guerre des Gaules, César s'est appuyé sur les Éduins, mais en jouant un parti contre les autres. Et là, il a mené toute une action diplomatique absolument extraordinaire pendant toutes ces années de combat, puisqu'il connaissait admirablement les tribus dont vous avez parlé, ces 50 ou 60 tribus dont nous ne connaissons que les plus célèbres, les Nerviens, les Allobroges, les Éduins, les Séquanes. Et lui, non seulement connaissait ces tribus, mais il connaissait également les partis qui s'opposaient à l'intérieur de ces tribus. Et là, effectivement, c'est la grande défection. C'est un crève-cœur pour lui, véritablement. Et même s'il n'en laisse pas paraître grand-chose dans ses rapports, que sont les commentaires, comme vous l'avez dit, eh bien, effectivement, la brûlure, elle est là. Les commentaires, ce sont des rapports envoyés au Sénat. Bien sûr. Alors, certains, et c'est la grande mode, contestent l'objectivité de Jules César, notamment sur les dispositions topographiques, sur les tailles de terrain, sur les tailles de camps, etc. Je fais partie évidemment de ceux qui défendent l'exactitude du texte de César. Je ne vois pas du tout pourquoi un militaire se serait amusé à inventer de fausses distances sous prétexte qu'elles ne conviennent pas au site bourguignon d'Alésia. Ça, c'est un autre sujet. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que la présentation que César peut donner des choses, alors là, quand on ne parle plus des aspects technique et pratique, lorsqu'on parle des aspects politiques, là, il y a un biais, forcément. C'est évident, puisque, comme vous l'avez dit, il s'agit de rapports. Ces commentaires sont en fait des rapports. Chaque année, comme César, évidemment, est envoyé en mission en Gaule, chaque année, il doit, c'est une chose qui est imposée à tous les généraux, il doit envoyer un rapport au Sénat. Pendant les mois d'hiver, puisque en principe on ne combat que très peu pendant les mois d'hiver, et il envoie à ce moment-là donc ses rapports. Mais attention, la guerre des Gaules telle que nous l'avons nous n'est pas une juxtaposition de rapports, puisque non, César est en plus un très grand écrivain. Immense écrivain. Ah oui. Et pendant les quelques semaines qu'il va se donner à Bibracte pour mettre tout ça au net et au clair, il va recomposer les rapports. Il ne faut pas oublier non plus que quand il se désintéresse de la guerre des Gaules, c'est son lieutenant Hircus qui va écrire la toute dernière partie. Voilà, dernier livre. Oui. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette guerre des Gaules, ce texte de César et tous les travaux qui ont pu être menés dessus font l'objet depuis 2000 ans d'intenses polémiques. Vous écrivez un article là-dessus dans Historia qui est passionnant. Et ces polémiques, eh bien, elles sont au cœur même de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur cette conquête de la Gaule par César. Pourquoi tant de polémiques ? Oh ben pour une raison simple, c'est que ces 7 années de guerre en Gaule menées par le divin César, si je puis dire, ont mis fin à la civilisation celtique et ont installé la civilisation romaine en Gaule. Ça n'est quand même pas rien. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il s'agissait de la première page de l'histoire de France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est au cœur de l'histoire de Jules César, ombre et lumière aujourd'hui, que vous nous proposez de plonger, Franck Ferrand, cet après-midi avec votre invité Jean-Yves Boriot. Il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes et il a supervisé le dossier spécial Jules César, la face obscure, paru dans le dernier numéro d'Historia, un numéro qui est en kiosque actuellement. Et à l'intérieur du magazine, le titre est même encore plus violent, si je puis dire, avec un gros point d'interrogation. Certes, la rédaction d'Historia se demande si César peut être considéré comme un criminel de guerre. Certains se posent la question, Jean-Yves Boriot ? Effectivement, c'est actuellement, c'est à la mode, je dirais. Mais si ce point d'interrogation que vous soulignez a toute son importance, c'est que justement, si on parle de César en tant que criminel de guerre, on commet délibérément, donc un anachronisme complètement fou même. Bien oui. sûr, parce que juger César avec la grille que nous avons, nous, c'est effectivement tomber dans le contresens historique. Alors, le problème, c'est que il y a eu toute une série, c'est indéniable, de massacres très importants pendant toutes ces campagnes. Qui étaient quasiment, est-ce qu'on peut les considérer comme des massacres exemplaires ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient perpétrés à dessein pour impressionner les populations ? Alors, on peut dire que oui, parce que la nouvelle évidemment se répandait très rapidement, mais cette idée est un peu étrangère aux mentalités romaines, hein, puisque lorsque la guerre est déclarée de manière tout à fait légale, eh bien, tout est absolument permis. Possible, oui, oui, les Romains sont en guerre contre un peuple dans sa totalité. Et il suffit, si je puis dire, c'est terrible de dire cela, il suffit que le collège des prêtres, qu'on appelle les fessiaux, donc à Rome, ait fait les choses convenablement, c'est-à-dire qu'ils examinent le bien fondé de la guerre, ces 20 prêtres, ils examinent le bien fondé de la guerre, et si la guerre est juste, ils donnent l'autorisation de la déclarer. Il y a même une cérémonie, hein, ils ont un javelot qu'ils jettent par-dessus une frontière virtuelle, et ça y est, à Rome, la guerre est déclarée, et à ce moment-là, elle est totale. Si j'ose dire, la hache de la guerre est déterrée. Ben exactement. Le javelot est enterré, plus exactement. Exactement, et en plus de ça, on ouvre les portes du temple, le fameux temple de Janus, hein, pour laisser Janus donner tout son souffle, bien sûr, à la guerre. Hein. Et il faut bien remarquer que les portes de ce temple n'ont été que très rarement fermées. Chez les Romains, on avait souvent les temples de la guerre, les portes de la guerre ouvertes, si on peut dire. Comment est né ce qu'on appelle la guerre des Gaules ? Alors d'abord, peut-être un point sur une précision sur la guerre des Gaules. Le nom même est un peu discutable, somme toute. Hein. Tout à fait. Alors, il s'agit effectivement d'une série de campagnes. Voilà, c'est ça. Et ce qui est important, c'est six campagnes successives. Six campagnes, voilà, exactement. Et qui se termine avec 52, dont vous avez parlé, qui est l'apogée. Et pendant en 52, il y a ces quelques mois où finalement, César est engagé contre toutes les Gaules. Voilà, exactement. Alors qu'auparavant, ça a été une succession de guerres qu'on pourrait presque appeler régionales. Hein. Alors, Alors pourquoi cette guerre? Alors là, c'est une question qu'on a soulevée il y a à peu près 2000 ans. Ah oui, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale et on ne peut tenter d'y répondre qu'en, évidemment, s'appuyant sur un critère très important, c'est l'ambition de César. Il faut se mettre à la place de César en 59. En 59, il a 41 ans. À l'époque, c'est pas quand même un âge canonique. Je rappelle, mais quand même, après tout, il y a sans doute de jeunes auditeurs qui nous écoutent. Je rappelle que là, on compte à rebours, puisque nous sommes avant Jésus-Christ. Bien donc sûr, 59 se trouve avant 58, qui se trouve avant 57, hein, bien voilà, entendu. C'est très juste. Et donc, César est né en 100 avant Jésus-Christ, c'est facile à retenir. Et donc, il a 41 ans. Il a derrière lui quand même une bonne carrière, avec toute une série de magistratures Et puis des aventures inouïes. Enfin, bien sûr. Mais disons qu'à 41 ans, il n'a quand même pas accompli ce qu'il pense être sa destinée. Et il est, en plus de ça, il est très lié avec Pompée, donc, qui sera son adversaire par la suite. Et Pompée, lui, dans les années 67, a rendu un grand service à Rome en détruisant toutes les forces de pirates qu'il pouvait y avoir en Méditerranée. On navigue tranquillement en Méditerranée grâce à lui. Alors César cherche quelque chose de ce genre-là pour faire passer sa destinée à une dimension supérieure. Alors, comme il est proconsul, il sort de charge, il a le droit d'obtenir une province dont il sera le gouverneur pour aller vite, c'est pas exactement ça. Mais enfin bon, il va avoir une ou deux provinces. Le maître, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et le maître est protecteur de la province en question. Avec toutes les richesses afférentes, hein, est très important. Bien entendu. Alors, il va obtenir, ses amis vont intriguer à Rome pour lui faire attribuer la Gaule cisalpine dans un premier temps, c'est-à-dire la partie de la Gaule qui est de ce côté-ci, du côté italien, donc des Alpes, puis la Gaule transalpine, en gros la bande de terre qui va de Marseille jusqu'à Narbonne, il y a la Narbonnaise là-dedans, hein, et il se fait donner également l'Illyrie, c'est-à-dire, à tout hasard, hein, l'Illyrie, c'est l'ex-Yougoslavie à peu près. Et il va attendre, il est en quelque sorte là aux aguets, parce qu'il attend de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, hein, au sens premier du terme, et heureusement pour lui, les Germains s'agitent donc au nord-est de la Gaule. Et ce qu'on craint, c'est que ces Germains finissent par déferler... Population du Rhin, en gros. Oui, hein. C'est ça. Oui. Et finissent par déferler sur la Gaule transalpine, hein, parce qu'on n'a quand même pas oublié... Il y a une espèce de traumatisme dans les mentalités romaines à propos de la Gaule. Hein. Il y a eu, évidemment, Brennus dans les années 390. La Gaule, c'est la source du danger. Exactement. Il y a le fameux Tumultus Gallicus, hein, dont on a très peur. Hein. Et il y a eu, très récemment, dans les années 100, l'incursion des Cimbres et des Teutons. Les Cimbres, on les a arrêtés à Aix-en-Provence. Hein. Alors, quand on apprend que les Germains s'agitent, César donc, commence à préparer ses armées. Et là, c'est la chose providentielle dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est qu'enfin, on apprend que les Helvètes, les malheureux Helvètes, ont poussé eux-mêmes par les Germains, ont pour ambition d'aller s'installer en Saintonge. Alors ça ne doit pas être du tout une invasion. Hein. Ils ont passé des accords avec les Saintonges. C'est un mouvement de population. C'est un mouvement de population. Et César, évidemment, va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va évoquer le danger pour les Éduins, etc. Et on trouve des gens chez les Éduins pour venir pleurer à Rome en disant « Oh là là, les Helvètes arrivent !» Et les Helvètes partent, c'est plus de 300 000 personnes qui partent avec des chariots, femmes, enfants et tout le monde. Alors dans un premier temps, il va essayer de les bloquer avec un mur entre le lac Léman et le Jura. Il va donc les détourner comme ça. Et ensuite, il y aura cette épouvantable bataille. Massacre. Bibracte, décidément une ville chère à César, si tu veux. Et donc, les malheureux vont devoir revenir, comme il a été dit, chez eux, dans leur village brûlé. C'est le premier véritable massacre, hein, de peut-être 200 000 personnes qui disparaissent. C'est le premier, mais ça n'est pas le dernier. Voilà. Des massacres, il va y en avoir quand même toute une série. Oui, toute une série, effectivement. Alors nous connaissons les plus importants. Alors ce qui est curieux, c'est que nous connaissons, comme vous le disiez, la guerre des Gaules essentiellement grâce à la première source qui est celle que nous fournit César. Hein. Et ce qui est très curieux, c'est que lui-même, il en parle de ces massacres. Hein. Il dit bien, Waricum, eh bien on a tué tout le monde. Hein. Quand on est arrivé à Quiburne en 56, Quiburne c'est Quiberon, hein. Il y a cette fameuse bataille navale extraordinaire. Et ensuite, eh bien ma foi, on tue pratiquement tous les, ce qu'il appelle sénateurs, c'est-à-dire tous les magistrats, et on vend tout le monde. On vend tout le reste de la population. Et il y a d'autres massacres très célèbres. Destruction des éburons, en l'occurrence. Oui, destruction des éburons, dont il est question là. Et dans ce numéro, et puis il y a le fameux massacre qui est sans doute le plus marquant, c'est celui des usipètes et des tanktaires. Alors là, oui, racontez-nous ça. Alors, si je vous raconte cela, ce que je vais m'efforcer de faire, en paraphrasant César, puisque c'est lui, et qui, c'est nous lui qui nous dit. C'est lui nous qui n'avons raconte. Pas d'autres sources. On y vient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous suivons cet après-midi Jules César grâce à votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Yves Boriot. Il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes et il a supervisé le dossier spécial dans lequel vous pouvez plonger pendant ces fêtes de fin d'année, Jules César, la face obscure, dans le numéro d'Historia qui est actuellement en kiosque. Et on y parle notamment de cette destruction des usipètes et des tanktaires dont vous commenciez à nous parler, Jean-Yves Boriot. Oui, alors en fait, les malheureux usipètes et tanktaires, qui sont des peuples germains, sont poussés eux-mêmes par des Suèves, hein, qui sont d'autres tribus germaines. Et donc, ils doivent absolument, c'est une question de survie, ils doivent absolument franchir le Rhin, hein, et passer ensuite sur d'autres territoires relativement libres, mais là à l'abri des Romains et puis et à l'abri des, donc des Suèves, et donc Suèves. À l'abri des, vous voyez, ils sont pris en tenaille. Alors ils vont envoyer une légation auprès de César, mais là César, dans la guerre des Gaules, les accuse de perfidie. Et oui, ils envoient une légation et pendant ce temps-là, ils nous tuent 75 cavaliers. Alors là, on pense maintenant que le massacre des cavaliers, il a été déplacé dans le temps. Vous parliez donc de la manière dont César truquait l'histoire dans son récit. Là, on a un exemple manifeste de cela. Et des combats vont s'engager. Les usipètes et les tanktaires vont envoyer une seconde légation. Et là se situe le forfait aux yeux des Romains, le forfait de César. C'est-à-dire qu'il ne va pas les laisser repartir contre toutes les lois de la guerre, parce qu'il y en a quand même. Et il va les conserver au camp. Il va les retenir prisonniers. Et pendant ce temps-là, il va lancer son attaque contre les usipètes, les forces usipètes et tanktaires, qui sont battues. Et ensuite, son armée va pousser les civils jusque dans le Rhin. Et là, ce sont des dizaines de milliers de malheureux qui vont mourir ainsi, noyés. C'est un massacre absolument terrible. Massacre tellement, d'ailleurs, évident qu'il est connu à Rome. Et il est connu à Rome par d'autres voies que les rapports de César. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'armée de César, il y a des sous-officiers, des officiers qui vont en permission. Et qui parlent. Et qui parlent. Et qui écrivent même, pour certains, sans doute, même si on n'a pas les écrits en question. Et non, malheureusement, on sait qu'il y avait un courrier. César nous parle d'ailleurs de ces échanges de courriers. Malheureusement, nous n'avons aucun texte de ce côté-là, et c'est bien dommage. Mais à Rome, évidemment, c'est dans certains milieux aristocratiques un tollé, à tel point que Caton, le vieil adversaire de César, va demander que César soit jugé et remis aux Germains. Évidemment, ça n'ira pas très loin puisqu'il est minoritaire. Il n'obtiendra pas ce qu'il demande, il n'obtiendra pas de mise en accusation. Mais ce que nous savons, c'est que l'affaire a fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit à Rome. Je me répète, dans les milieux aristocratiques qui n'ont pas apprécié du tout ce massacre. L'historiographie moderne est pleine d'interrogations à propos de cette guerre des Gaules en général et de César en particulier. Camille Julian, Jérôme Carcopino se sont posé la question du nombre de victimes qu'avait fait César en Gaule. Est-ce qu'on a une idée de cela ? Alors, on arrive, en faisant des additions un peu hasardeuses, à une estimation d'un million de morts et un million de prisonniers, contre 45 000 tués du côté romain. Parce que tout à l'heure, vous en avez parlé, il y a des tués, hein, du côté romain. Quelquefois, évidemment. Et oui, quelquefois, César nous dit, alors là, je n'ai eu aucun tué. Pour l'affaire des usipètes et des tanktaires, il se réjouit parce qu'aucun romain n'a été tué. Et dans ses rapports, donc, il doit montrer au Sénat qu'il a bien fait son travail. C'est ça qui sous-tend, je réponds en partie à la question que vous posiez tout à l'heure, dans les rapports, il faut montrer qu'on est un bon général. Au moment de l'ultime campagne, celle dont nous parlions tout à l'heure à propos de Gergovie, il y a cette espèce d'expédition punitive contre Bourges. Ça, ça a été effroyable. Effroyable. L'expédition contre Awarikum est absolument effroyable. Et là, César dit comme en passant qu'il a massacré tout le monde. Il dit là, comme en d'autres lieux, dans d'autres endroits dans cet ouvrage, que finalement, tout ça s'explique par l'exaspération des soldats. Mais alors attention, là ça n'est pas un ressort psychologique, c'est-à-dire ils ont été tellement exaspérés qu'ils ont tué tout le monde, alors que sous-entendu, ils auraient pu faire des prisonniers qu'ils auraient revendus par la suite. Comme esclaves. Voilà, bien entendu, comme esclaves. Et donc ça montre que là ils étaient parvenus au summum de l'exaspération. Et ils excusent avec beaucoup de guillemets ainsi ces exactions, mais tout en disant bien qu'en fait ces gens-là ont perdu la tête stupidement, ils ont perdu de l'argent. Les guerres antiques étaient plus meurtrières que les guerres modernes, elles étaient plus cruelles. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'il y a une bataille franche, c'est-à-dire lorsque le vainqueur est évident, lorsque le vaincu bat en retraite, eh bien, ce vaincu est poursuivi d'abord par les fantassins, puis par la cavalerie. Et la cavalerie romaine, c'est sa fonction essentielle, poursuivre ainsi les fuyards. Et là, on massacre tout le monde. Et comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, à partir du moment où les aruspices ont parlé, à partir du moment où sont ouvertes les portes du temple de Janus, on considère que ce qui est guerrier est juste, oui. Et que tous les moyens sont bons pour obtenir la victoire, en fait. Exactement, exactement. Il n'y a jamais de pathos. On ne nous dit jamais, c'est épouvantable, il a tué les femmes, les enfants et les vieillards. En gros, je vais forcer le trait, mais ça fait partie de la logique de la guerre. On oublie d'ailleurs souvent le sort des populations de substrat qui sont les laissés pour compte, ce que nous appellerions-nous aujourd'hui les victimes collatérales de ces combats. C'est absolument. C'est pour ça que chiffrer exactement le nombre de morts, c'est difficile. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que la Gaule a été décapitée. A été saignée littéralement. Saignée, oui. Et ça a duré plusieurs années. Ça n'est pas seulement Gergovie et Alésia, loin de là. Non, vous avez tout à fait raison. Et il faut bien voir que ce million, on va dire qu'il y a eu un million de tués, on va admettre ce chiffre-là. Mais ce sont les forces vives du pays qui sont touchées essentiellement. Ce sont des jeunes gens d'une vingtaine, d'une trentaine d'années qui ne pourront pas revenir chez eux, fonder des familles, selon l'expression classique, et qui ne pourront pas cultiver, qui ne pourront pas prendre la relève des chefs à l'intérieur des tribus, même des petites tribus dont on parlait. C'est épouvantable. Notre époque est très avide d'anachronismes. Oui. On les multiplie dans tous les domaines. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle télé ou radio, on entend des anachronismes à longueur de journée. Oui. Et là, évidemment, la question qui se pose depuis quelque temps à propos de Jules César, il est sur la sellette, César. Oui. Je me rappelle l'époque quand j'étais jeune, où César était considéré comme d'abord un immense orateur, un incroyable tribun, de la plèbe, on disait que c'était l'ancêtre des hommes politiques modernes, etc. Il était considéré comme une sorte d'idéal absolu. Et puis alors là, aujourd'hui, il est en train de manger son pain noir, là. On nous le présente quasiment comme un criminel de guerre. Et d'ailleurs, la question est posée, là, dans Historia. Oui. Alors, vous assumez, j'allais dire, cette question En fait, on peut la poser, mais on peut insister également sur le point d'interrogation, effectivement. Oui, c'est quelqu'un qui a conduit cette guerre des Gaules selon des critères, je dirais, absolus. C'est-à-dire qu'il fait la guerre parce que le peuple romain l'a mandaté, il l'a fait jusqu'au bout, sans s'encombrer de précautions morales, alors qu'on commence dans l'aristocratie romaine, sous l'influence du stoïcisme surtout, à se préoccuper de ce que sont ces dégâts collatéraux dont vous parliez, à tel point que Pline l'Ancien a des mots terribles. Terrible. Lui, il parle de... Alors pour le coup, c'est lui qui emploie l'expression crime contre l'humanité, c'est Pline l'Ancien. Oui. Avec une signification très différente de celle qu'elle a pu acquérir lors de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Plutarque est cité, Camille Julien, terrible. Vous citez Michel Rambaud qui nous dit que le proconsul viola le droit des gens. Et puis alors, il y a cette phrase terrible de Simone Veil, la philosophe Simone Veil, à laquelle on doit tant justement sur ces questions de crimes humains, et qui dit « Si quelqu'un fait penser à Hitler, c'est bien César ». Là, pour le coup, c'était un anachronisme ou c'était une simple comparaison de cette histoire comparée? Je pense qu'en fait, cette remarque est due au contexte terrible dans lequel Simone Veil parle, bien sûr. Mais il est bien certain qu'il n'y a pas eu, si on se fonde sur les termes mêmes qui permettent de définir un génocide, terme donc défini par l'ONU, il n'y a pas eu de génocide. On ne peut pas parler de génocide gaulois. Jamais César n'est entré en Gaule en se disant disant je vais tuer les Gaulois parce que ce sont parce des Gaulois. Parce que ce sont des Gaulois, voilà. Jamais. C'est très donc, important de le dire. Il y a eu une série de massacres qu'il ne faut pas occulter, mais il ne faut pas non plus plaquer sur la personnalité de César, finalement, des catégories de pensée qui ne sont pas de son temps. Nos grilles de lecture tout à fait actuelles. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves Borioo, d'avoir fait le point. Beaucoup plus de précisions, de détails, de descriptions dans ce dossier spécial Jules César du numéro d'Historia qui est dans les kiosques là. On ne parle pas que de guerre, hein, d'ailleurs. Moi, dans ce même numéro, je vous raconte Gandhi. Vous avouerez que c'est nettement plus pacifique, incontestablement. Je cite Les Borgia, la pourpre et le sang, qui est l'ouvrage que vous venez de faire paraître chez Perrin, Jean-Yves Borioo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait parler de Clermont-Ferrand avec Anissa. Ah ben oui, j'étais impatiente. J'ai presque envie de vous laisser la parole. D'ailleurs, ah ben non, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Clermont-Ferrand, c'est l'union quand même de Clermont et de Montferrand. Et de Montferrand, en fait, effectivement. C'est Louis XIII qui a scellé en 1630 le destin de ces deux villes par un édit d'union. C'est donc la naissance de Clermont-Ferrand. Mais ça veut dire qu'il y a quand même deux centres historiques, du coup. Il y a deux centres historiques, effectivement. Alors, il y a Clermont, de fondation antique, qui a longtemps été la cité épiscopale. Et puis, il y a Montferrand. Alors, Montferrand est né au Moyen-Âge par la volonté du comte d'Auvergne. C'est plus la ville, en quelque sorte, ce serait plus la ville commerçante, hein, d'une certaine manière. Montferrand était distinct de Clermont à l'origine. Elle a conservé son plan médiéval. C'était une bastide au départ, avec des hôtels particuliers magnifiques. Hein, l'hôtel de Fontenil, l'hôtel de Fonfrède, l'hôtel d'Albia. Ils ont une particularité, tous ces hôtels particuliers, oui. C'est qu'ils sont dans une roche, enfin dans une pierre. Bah, la pierre volcanique. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, le tout premier édifice, en tout cas grand édifice qui a été fait en pierre volcanique, c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand, que je vous conseille de visiter d'ailleurs. Avec cette pierre de lave, cet anthracite. C'est noir, c'est impressionnant. Quand on vient la première fois, on a l'impression que Clermont est triste, et pas du tout en fait. C'est juste de la pierre volcanique. Et oui, c'est au contraire, même, je dirais que c'est très beau. Vous parliez de la cathédrale, de cette superbe cathédrale gothique en pierre. Pierre de lave. Le chantier a commencé en 1248 sous la conduite d'un architecte qui s'appelait Jean Deschamps et sous la conduite surtout de l'évêque Hugues de la Tour qui a joué un rôle absolument essentiel. Et cette cathédrale, il a fallu très longtemps pour l'achever puisque si je ne m'abuse, c'est Viollet-le-Duc qui a mis la dernière pierre. 7 siècles en tout pour l'achever, effectivement. Mais alors, il faut absolument aller visiter cette cathédrale. Il faut visiter la place qui s'appelle la place des Victoires, qui est juste devant. Et surtout, en ce moment, parce qu'il y a le marché de Noël de Clermont-Ferrand qui est sur la place des Victoires, devant la cathédrale. Donc, c'est le moment ou jamais pour y aller. On commence à s'éloigner du Jules César, forcément. Mais il y a une autre église fondamentale et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Notre-Dame-du-Port. C'est un haut lieu de l'architecture romane. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est roman, ça. Ouais, ça, c'est roman. Et en plus, quand vous allez à Notre-Dame-du-Port, il faut prendre une rue piétonne qui est magnifique, qui monte. Parce que c'est pas plat, hein, Clermont-Ferrand. Je préfère prévenir les auditeurs qui iraient visiter Clermont-Ferrand pour la première fois. Il y a des rues qui grimpent quand même, mais des rues en pavé et des rues magnifiques. Et puis des places extraordinaires. Je pense à la place de Jaude. Vous connaissez ça par cœur, bien sûr. Alors, ça, c'est pour faire les emplettes, hein, la place de Jaude, plutôt, effectivement. C'est les grandes galeries de Clermont-Ferrand qui sont place de Jaude. C'est devenu la Galerie Lafayette aujourd'hui, Et puis il y a l'opéra, donc vous pouvez faire des emplettes, vous pouvez voir des très beaux monuments. Ce qu'on appelle l'opéra qui est un théâtre en même L'opéra-théâtre, ouais, exactement, à Clermont. Et puis la grande place de Jaude où il y a le très beau Vercingétorix à cheval. Alors là, de Bartholdi, s'il vous plaît. De Bartholdi, bien sûr, la statue équestre de Vercingétorix, qui a été inaugurée en 1903. Et puis, il y a la statue du général de C aussi, qui est sur la place de Jaude également. C'est une très grande place et qui, depuis quelques années... Les deux enfants du pays, en quelque sorte. C'est ça. Et qui, depuis quelques années, est piétonne. Terminé les voitures, il n'y a que le tramway maintenant qui passe sur la place. Donc, c'est vraiment très agréable de s'y balader. Non, on n'est pas très loin de Volvic, là, forcément. Ouais. Et il y a de la fontaine. Plus de 50 fontaines à Clermont-Ferrand. L'eau est à l'honneur, effectivement, à Clermont-Ferrand. Il y a la fontaine d'Amboise qui est sans doute, qui est sans doute la plus belle et la plus ancienne fontaine de Clermont-Ferrand. Je croyais que vous alliez dire de France, je vous attendais au tournant. Non, attention, je me suis limitée à Clermont-Ferrand. Et cette fontaine a une inscription en latin qui rappelle que l'évêque du diocèse de Clermont, Jacques d'Amboise, a réalisé cette fontaine en 1511. Voilà pour l'anecdote historique de cette fontaine. Allez la voir, il y en a 50 à voir à Clermont-Ferrand, donc vous avez de quoi faire de belles photos. On n'a pas du tout parlé de l'industrie du pneumatique, mais enfin quand même. Oh, hein. Michelin, oui, il y a Michelin, hein. Effectivement, avec cette incroyable usine. Quand vous arrivez à Clermont-Ferrand, il y a une sorte de toboggan géant qui vous dit tout de suite que vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand et que vous allez être au pays du pneu et le bibendum qui trône fièrement à Clermont-Ferrand. N'oublions pas Blaise Pascal, évidemment, dont nous avions déjà eu l'occasion de parler. On avait fait une émission sur Blaise Pascal et on avait raconté ses liens tellement forts avec cette ville de Clermont-Ferrand, bien entendu. Et puis, je pense que certains nous en voudraient de ne pas évoquer le grand parc qui se trouve à quoi 15 kilomètres à peu près au nord-ouest de Clermont-Ferrand, le parc Vulcania, si cher au président Giscard d'Estaing. Le parc Vulcania, effectivement, qui a été lancé par Valéry Giscard d'Estaing. C'est un parc européen du volcanisme. Donc si vous allez à Vulcania, vous allez au Puy-de-Dôme. Si vous allez au Puy-de-Dôme, montez-y à pied. Et un petit conseil d'Auvergnate, prenez le chemin des Muletiers. C'est le petit chemin qui vous mènera au sommet du Puy-de-Dôme. Et une fois arrivé en haut, vous serez fatigué, mais vous pourrez manger des bons produits régionaux. Voilà les vrais conseils d'Anissa Haddadi. Merci beaucoup Anissa avec de nous avoir plaisir. Fait partager votre amour pour cette ville de Clermont-Ferrand. On peut aussi, bien entendu, aller visiter le site de Gergovie, à condition toutefois d'avoir trouvé le bon. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et voici Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors vous nous emmenez sur le plateau supposé de Gergovie. Nous n'avons essayé de vexer personne. Je disais tout à l'heure que ça se situe, ce plateau de Gergovie, à 744 mètres d'altitude. C'est un des plus anciens volcans d'Auvergne, ce volcan de Gergovie. Il date de plus de 17 millions d'années et le plateau offre un panorama à 360 degrés sur la plaine de la Limagne, sur la chaîne des Puys, sur les monts du Forêt et le massif du Sancy. Alors on dit Forez. Alors on m'a dit qu'on pouvait dire les deux. Ah bon d'accord, pardon. Mais je dirais Forez. L'Auvergnate dit Forez. Pour l'Auvergnate, je dirais Forez. Merci Lorena. Et tout au long de l'année, il y a des circuits de randonnée du plateau. On peut faire du VTT, du quad, du cerf-volant, puisque c'est un plateau assez vanté. Et l'été seulement, il y a des visites guidées aussi du plateau de Gergovie qui sont organisées. Et hors saison, des visites guidées sont possibles aussi pour les groupes sur réservation auprès de Mont-d'Averne. Bah alors, d'habitude, vous nous parlez d'hôtels et de restaurants. Vous avez peut-être trouvé un endroit où on pourrait se restaurer quand même sur ce plateau. Oui, parce que vous pouvez profiter de cette vue grandiose en vous restaurant à la Hutte Gauloise, voilà, qui est en clin d'œil bien sûr à toute cette époque dont vous venez de parler. Et en hiver, le restaurant dispose de 5 salles, dont une avec cheminée. Et toutes donnent sur cette magnifique plaine de la Limagne ou les monts du Forez. Et en été, il y a une terrasse avec vue sur la plaine aussi, une terrasse ombragée. Donc c'est assez agréable. Alors, et on y déguste des spécialités. De la Ligo, j'imagine. Pas forcément. Enfin, en tout cas, les menus varient au fil des saisons. Donc ils sont tout le temps différents. Mais il y a travaille tout le temps avec du fromage. Des produits frais. Il y a tout le temps du fromage. Il y a de la fromage. Truffade. Et de la truffade. Donc c'est pommes de terre cuites à la poêle avec du saindoux, de l'ail et de la tomme fraîche de Cantal, accompagnée de salade verte et de jambon du pays, bien sûr. Et en dessert, on peut y goûter notamment le cornet de Murat, qui est une spécialité de Murat, donc dans le Cantal, sorte de tuile mais sans les amandes, avec de la chantilly, et c'est servi comme une corne d'abondance, et ils le servent avec des fruits frais. Dites donc, elle est ouverte pendant les vacances de Noël, cette Hutte Gauloise ? C'est fermé du 24 décembre au soir au 4 janvier, mais sinon ils sont ouverts 7 jours sur 7 toute l'année. Ah oui, comme quoi on tombe pile au mauvais moment, c'est quand même, vous avouerez que c'est pas de chance. Merci beaucoup Lorena, merci à vous chère Anissa, merci, Franck, de nous avoir fait découvrir cette belle Auvergne. Nous nous retrouvons demain à 14h. Oui, demain avec une émission consacrée à un milliardaire, Croza, effectivement milliardaire sous Louis XIV et Louis XV. Et puis dimanche, vous nous ferez revivre en ce jour de réveillon la grande histoire des cirques. Bonne préparation de Noël à tous et à demain 14h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.